Numéro 40. Visite d'une ville. 市内観光. La ville. 町. La rue. 通り. Le temple. お寺. Le sanctuaire Shinto. 神社. Le château. お城 Le musée 美術館 Peut-on visiter le château? お城の観光はできますか? Le billet d'entrée 入場券 Combien coûte le billet d'entrée? 入場券はおいくらですか? Est-ce ouvert? 開いていますか? Est-ce fermé? 閉まっていますか? Aujourd'hui, c'est ouvert. 今日は空いています。